L'IFAO spirituelle. Mais là, qu'est-ce que t'entends par phase hallucinée? L'évolution spirituelle, la phase spirituelle, c'est la phase intérimaire entre l'inconscience et la conscience de l'âme. Entre deux. Où se situe la majorité de l'humanité. Êtes-vous fusionné pour l'éternité, là, si en retournant sur une autre place, vous verrez descendre sur une autre planète, disons, où ils ont besoin d'un instructeur, est-ce que vous devriez refaire encore ce travail-là? Non, fini. C'est fini. D'abord, tu peux pas revenir sur une planète moins évoluée que la Terre. Fini. Ça, c'est la fin du film. Je l'ai goûté, là. Je ne goûterai plus. Mais le point que je veux faire, c'est que vous autres, vous jouez des games avec eux autres, puis vous pouvez jouer des games avec eux autres, parce que vous n'êtes pas fusionnés. Vous avez un libre arbitre. Vous avez l'illusion de votre libre arbitre. Quand t'es fusionné, tu n'as pas de libre arbitre. C'est ça, la fusion. T'as pas de libre arbitre. Fait que ça devient éventuellement le combat entre leur volonté et ta volonté. Et quand il y a un équilibre, à ce moment-là, t'as une volonté qui est cosmique, qui est universelle. Tu peux faire n'importe quoi. Parce que t'as pas de karma. Vous fassiez n'importe quoi, vous faites jamais d'erreur. Non. Tu vas fusionner, vous. Quand t'es fusionné, t'es-tu conscient du travail qu'ils veulent te faire faire? Quand t'es conscient, tu connais la game. Oui, mais t'es-tu conscient de ce que c'est que eux autres veulent te faire faire? Oui, tu le sais. Tu sais d'avance? Ouais, tu le sais instantanément. Bon, ben, si à ce moment-là, tu le sais... Tu peux en avoir plein de cul pareil. Ouais, si tu n'as le plein de cul, t'as rien qu'à pas le faire. C'est une forme... Non, parce que ce qui arrive, c'est qu'il crée une situation de souffrance. De souffrance. Oui, mais là, à ce moment-là, vous avez plus de souffrance. À la limite. Alors, toi, tu réagis. T'es pas un robot. Pas un robot, moi. Contrairement à ce que bien du monde pense. Oui, mais en souffrant, tu vas à la limite. Tu fais pas ta souffrance est une souffrance de limite. Tu fais pas ce que c'est qu'ils veulent que tu fasses. Ça donne une forme de volonté contre la vente. Rendu à ce stage-là, c'est pas que tu fais pas ce qu'eux autres veulent que tu fasses. C'est qu'eux autres te créent une situation de souffrance, ce qui est personnel à toi, suivant ta sensibilité. Puis cette souffrance-là te fait vibrer. Puis si la vibration est trop haute parce que t'as trop souffert, t'es plus capable d'en prendre, quand t'es plus capable d'en prendre, à ce moment-là, c'est là que l'équilibre entre ta volonté et ta volonté se fait. Puis c'est à ce moment-là que tu prends une décision, puis que t'es mis comme on dit, sur le spot. Puis là, à ce moment-là, tu prends un terme cosmique, tu prends un terme universel d'action. Fait que, soit que t'arrêtes, ou je fais ça. Fait que t'as tellement souffert, ta volonté est tellement grande, t'es tellement centré ici. Puis tu sais tellement bien que t'es pas affecté par les lois karmiques que tu peux faire n'importe quoi. Fait que, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le test contre eux autres qui implique le plus de responsabilité en tant qu'homme. Celui qui implique le plus de responsabilité en tant qu'homme, c'est la mort. Fait que si tu menaces que s'ils changent pas tes vibrations, tu es un homme, t'es mis sur un spot. Comprends-tu ce que je veux dire? Ils sont obligés d'arrêter. Bon, ils viennent me donner le mot. C'est un bluff qu'eux autres savent qu'ils vont arrêter. T'es bluff. Eux autres te bluffent. Toi, t'es bluff. Mais la seule différence, c'est que toi, t'es bluff sérieusement. Parce que c'est toi qui souffres, pas eux autres. C'est le jeu pour le jeu. T'es bluff sur ton plan. T'es bluff sur ton plan. Ils sont obligés d'arrêter. À ce moment-là, c'est égal. Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, mais c'est parce que... qu'il y a un contact, c'est que tu peux la seule chose que, pourquoi qu'on comprend pas, c'est peut-être parce qu'on comprend pas l'affaire de la vibration. Ils te mettent sur une vibration, t'es écœuré de ça, tu veux changer. Ouais. Ouais, c'est peut-être ça l'affaire qu'on comprend pas, mais pourquoi tu dis que t'es écœuré, tu veux changer de vibration? Tu veux pas changer de vibration, tu veux la paix! Quand t'as souffert l'initiation avec eux autres en fusion pendant 11 ans, tu veux la paix! Tu veux être un homme ordinaire! Tu veux être un homme ordinaire! T'es allé de souffrir, puis de souffrir, puis de souffrir, puis de souffrir, puis de souffrir! Vous autres, vous souffrez de temps en temps! Quand t'es fusionné, tu souffres tout le temps! Tout le temps! 24 heures par jour! Des années, pis des années, pis des années. Éventuellement, tu n'as plein de cul! Mais ça a été votre choix. C'est pas ça le point. Ça a été ton choix. Avant l'incarnation. Mais quand t'es incarné dans la matière, éventuellement, tu n'as plein de casse. Oui. Parce que t'es plus pris d'un effort de sauver l'humanité. t'es plus plus d'un forme de la spiritualité. Tu vas pas. Pour avoir la paix, la grande paix, pour qu'il te vive, pour que tu vives dans le pouvoir, pour que tu vives du pouvoir et de l'énergie, faut que tu combattes avec eux autres. Fait qu'éventuellement, tu t'as tellement combattu avec eux autres, t'as passé des tests, autrement dit. Y a rien pour rien. T'as passé des tests. À ce moment-là, ils sont obligés d'ouvrir les champs bleus. Bernard, il y a un flash, là, un accouchement. C'est un peu représentatif de l'humanité. T'sais, une femme, à un moment donné, quand t'accouches, avant, elle lui dit, bon, ben là, tu vas mettre un enfant au monde. T'es un peu là-dessus. Mais quand t'accouches, il y a les premiers temps, les premières heures, OK, tu penses à l'enfant que tu vas mettre au monde. Mais à un moment donné, là, ta souffrance est tellement grande qu'il n'existe que ta souffrance. Bon, OK. C'est ça. OK, tu n'as plus le cul de l'enfant, tu veux rien savoir, l'enfant. OK? Quand il est venu au monde, t'es content. Mais dans le mouvement, là, tu comprends? Bon, mais c'est ça que je veux dire. Si tu sais au niveau du mental, c'est la même chose. Mais c'est ça, mais dans ce moment-là, je veux dire, dans les races futures, les femmes n'accoucheront plus, mais ne donneront plus la vie dans la douleur, non. Parce que ce sera plus représentatif. Exactement. Exactement. Explique donc, toi, un petit peu. Moi, ben, la seule chose qui me vient, c'est qu'ils peuvent pas comprendre ces vibratoires parce qu'il n'y a pas personne qui a senti la douleur. Qui a pu souffrir comme ça. Ils ont pas, ils peuvent pas sentir ce que c'est que de souffrir comme ça. Air fort. Les gens ici, qui sont ici, ceux à qui j'ai parlé au téléphone, quand ils ont un moment de souffrance intense, ceux qui en ont eu, là, ils m'appellent. Puis là, faut qu'ils parlent. Puis la presse. Mais ils ont joué. Tandis que toi, t'avais pas personne dans le jeu. Toi, tu n'avais pas personne vers qui tu peux tourner pour que ça devienne. Puis ça, on connaît pas ça vers ça. On connaît pas cette intensité couleur. Alors, c'est très difficile. Moi, je l'ai parce que j'ai les ai bloqués, ouais. Avant que je m'appelle pour aller au signal, un dimanche, quand j'ai parti de Vertier, mon élève Saint-Julien, voilà, mon petit sur le siège en arrière, puis je les ai donnés à l'air. Puis après ça, tout a changé. Je comprends ce que tu dis. Puis je comprends, Diane, que tantôt qu'elle parlait de patience, il faut la différence, là, pour moi, c'est clair. Patience, et puis, d'agir comme ça. Pour moi, c'est... c'est depuis ce temps-là que ça a changé. Depuis ce temps-là, quand tu m'avais cité un point au séminaire, à un moment donné, tu avais dit que tu m'avais plein le cul, puis là, j'étais là, puis c'était... Ça m'a un peu soulagée parce que j'avais... par moments, ça m'arrivait qu'on me disait que j'avais été trop loin, je me disais, je me fous, puis là, qu'est-ce qu'il dit, reste dit, puis... si vous êtes là pour comprendre, je vous comprenais pas, je m'en fous en pareil, puis en tout cas. C'est là que tu détruis fort. Ouais. C'est ça. C'est ça. La seule différence, quand t'es fusionné, tu peux pas passer à côté. C'est dans le temps que tu parlais tantôt. Parce que je n'ai pas nié un autre. Parce que c'est une job. C'est une job. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils t'amènent au plus niveau, grand niveau de perfection qu'ils peuvent sur le clan vibratoire. Fait que suivant ton travail, comme moi, il faut que je parle. Moi, s'ils veulent que je parle pendant deux jours, faut que je sois tourné pour parler pendant deux jours. Faut que ça passe, cette affaire-là. Tu peux pas passer. Faut que ça passe. Fait qu'il tourne mon mental. Puis il tourne, puis il tourne, puis il tourne, puis il tourne. Puis en même temps, faut qu'il tourne mon système nerveux. Faut pas que je capote. Faut pas que je fasse. Faut pas que je dors. Faut que la vibration me maintienne. C'est ça qu'ils font. Faut qu'il fasse juste un autre plein. Pendant. C'est ça. Constamment. Fait que... Après, souffrance. Aujourd'hui, là, je souffre plus. Là. Ils vont me dire, tu vois comment est-ce que c'était nécessaire que tu sois demain, ils vont dire oui. Mais, je suis devenu tellement agressif contre d'autres. Je suis devenu tellement centré. Je connais tellement les lois du cosmos que je lui ai dit, m'en vais devant pareil. Tu comprends ce que je veux dire? Ils répondent. Ils répondent pas. Ou ils vont dire, on t'aime bien pareil. Non, c'est ici. Mais, viens. Moi, je suis un homme libre. Je suis un agent libre. Vous autres, là, aujourd'hui, vous pensez encore les anges et les petites étoiles. Vous êtes encore dans la forme. Même si vous essayez d'en sortir, vous n'êtes pas capable parce que vous n'avez pas détruit cette énergie-là. Fait qu'il y a tout des forces, des sentiments, mais. Mais vous nous parler des autres, qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils vivent, comment c'est, là? Ah, non, c'est pas. C'est retardataire d'abord l'Église avec ses images. Ça fait partie de l'involution! Ça fait partie de l'involution! Si, ça fait partie de l'involution! Voilà que l'homme commence quelque part, puis il est arrivé aujourd'hui. Puis là, l'homme va se réveiller parce qu'il y a une révolution dans la psychologie de l'homme. Ça s'en va dans l'autre direction. Que vous preniez n'importe quoi sur la terre, n'importe quelle œuvre, n'importe quelle idée, n'importe quelle philosophie, n'importe quel système, va toutes les mettre à terre. Toute la gang! Toute la gang! Toute la gang! Que ce soit n'importe quel maître, va toutes vous les mettre à terre! C'est un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle. Mais je vous dis, servez-vous-en parce que tant que ça vous sert. Mais vous allez arriver un jour que vous allez être obligé de réaliser par vous autres même que j'avais raison. C'est un nouveau cycle. Que vous vous boquiez intellectuellement, que vous faites l'overtime avec votre ego, ça c'est votre vie, ça, je peux pas y rien y faire, faut que vous passiez à travers. Mais un jour, vous allez comprendre que ce que je vous disais dans ce temps-là, c'était ça, parce que vous allez le savoir. Vous allez le savoir. Mais il faut que ça commence quelque part, faut qu'il y ait quelqu'un qui vous le dise. C'est pas dans les livres que ça s'apprend. Faut que ça soit transmis de bouche à bouche, vibratoirement, de bouche à bouche. C'est ça que je vous dis, les cassettes que je vous fais. Vous avez tout du matériel là-dedans. Et le bonheur parfait, ce qu'on va faire de ça. Le bonheur parfait? Non. Le bonheur parfait, vous l'aurez quand vous serez dans les terres. Ah, oh, ben, dans les terres, vous aurez le bonheur parfait, mais d'ici à ce temps-là, vous pourrez être bien dans votre peau. Puis sa terre, le plus grand bonheur que l'homme peut avoir, c'est d'être bien dans sa peau. Ouais, puis celui-là qui reste matériel, disons, je sais pas, mais le comte de Saint-Germain qui vit tout le temps comme ça, il y a quelqu'un qui meurt pas, qui garde son corps, qui veut garder son corps, faire quelque chose. Celui-là, lui. Puis, c'est qui? Il est-tu dans l'éther? Dans l'éther. Ouais. Il est dans l'éther pareil. Là. Il se matérialise. C'est c'est ça, j'essaye de vous aider petit à petit, à vous ouvrir à mon esprit, pas à vous fermer sur votre esprit. Quand vous allez vous ouvrir assez à mon esprit, là, ça va rentrer, puis là, votre esprit va vibrer, puis là, vous allez comprendre comment. Ça veut dire que vous voulez nous amener à un certain niveau vibratoire, c'est ça. Tout est vibratoire. C'est pas la connaissance que je vous donne. L'éther est bien quand t'es mental. Pardon? L'éther est bien quand t'es mental. L'accès à l'éther vient quand vous êtes mental. Vous pouvez pas rentrer dans l'éther si vous êtes pas mental. Vous pourrez jamais faire face à cette lumière-là. Et puis moi, quand t'es visionné, t'as plus d'émotion. T'as un corps émotionnel, mais il te sert positivement, il te retarde pas. Okay. Tu fais pas d'overtime. Comment on s'entend, l'overtime? Qu'on s'ouvre pas d'aide. Arrête-nous, qu'on s'entend. Ben oui, mais quand t'as une famille, t'as un homme, comment tu serais pour m'amener? Vous autres, là, consciemment ou inconsciemment, vous voulez tout comprendre tout de suite, là. Tout de suite, là. Vous venez d'un séminaire, là, vous pensez que vous allez sortir d'un séminaire, vous allez comprendre tout de suite. C'est pas le même, ça va? Non. Vous voulez comprendre tout de suite? C'est intense, vous autres. Vous pouvez pas comprendre tout de suite. C'est petit à petit que ça avance. C'est petit à petit que ça avance. Coupez vos carottes, buvez du coke.